Non, a pas fait ça, on sent que bah non. On y en confiac, l'anima cadam, manger les teams, toi papa joue. Na, oui. Na, na, na, na, elle est bonne sa mère. Na, oui. Na, na, na, na, elle est bonne sa mère. Mets-nous dans la boîte, pendant que Chota c'est là. Si tu ne danses pas, y'aura plus de chat. Fais ce qu'à vibrer, brrr, pa, brrr, pa, brrr, pa, pa, brrr.